Cambyse et Psaménite. Histoire vraie. Quand le roi de Perse, Cambyse, eut fait prisonnier le tsar Psaménite, il le fit amener, ainsi que 2000 autres Égyptiens, sur la place publique. En même temps, il fit habiller de vieil art de la fille de Psaménite, ainsi que toutes les filles des grands d'Égypte, et les envoya porter de l'eau. Lorsque les jeunes filles en larmes passèrent devant leur père, ceux-ci se mirent à pleurer. Seul Psaménite ne pleura point, il baissa seulement les yeux. Puis Cambyse fit défiler le fils de Psaménite et ceux des autres Égyptiens. Tous, bâillonnés et la corde au cou, on les conduisait au supplice. Psaménite vit cela et comprit que son fils allait à la mort. Mais comme, à la vue de sa fille, il se contint, et tandis que les Égyptiens pleuraient, il baissa les yeux. Ensuite, Psaménite vit passer devant lui un de ses plus anciens compagnons. Celui-ci était riche auparavant, et maintenant il mendiait. Aussitôt que Psaménite l'aperçut, il se frappa la tête de désespoir et fondit en larmes. Cette douleur inattendue surprit Cambyse, qui lui fit tenir ce discours par ses envoyés. « Psaménite, ton maître Cambyse demande pourquoi, quand ta fille fut mise en esclavage et ton fils conduit à la mort, tu n'as point pleuré tandis que la vue d'un pauvre mendiant t'émeut. » Psaménite répondit. « Dites à Cambyse que mon propre malheur est si grand que je ne puis même plus le déplorer, mais j'ai pitié de mon ami, parce que, dans sa vieillesse, de riche qu'il était, il est tombé si pauvre. » Un autre tsar, prisonnier lui aussi, se trouvait là. Quand il entendit les paroles de Psaménite, son malheur lui apparut plus grand et il se mit à pleurer. Tous les Perses présents s'attendrirent. Cambyse lui-même parut s'émouvoir. Il ordonna d'emmener Psaménite devant lui et de gracier le fils du prisonnier. On amena donc Psaménite devant Cambyse, qui lui fit grâce. Quant à son fils, il était déjà exécuté.